mais conduira à terre promise. Oh, quel jour, jour, glorieux jour, ce sera. Avec cette bonne atmosphère de prière, c'est comme ça que doit être nos moments d'adoration. Le jeudi, librement, pas de timidité, mais on s'ouvre. On parle librement. Il faut crier, tu cries. Il faut pleurer, tu pleures. Il faut exploser, tu exploses. Dans le moment d'adoration. Et Dieu mérite le meilleur de notre part. Ce n'est pas qu'on est venu pour adorer, mais on s'assoit croisant les bras. C'est la discipline devant Dieu. C'est le moment de prière, de la rénovation prière, et toi tu t'assois dans les bras, croisant les bras, tournant les yeux. Quelle discipline dans la maison de Dieu. Tout le monde doit prier. Si tu ne sais pas prier, alors reste à la maison. Jeudi soir, c'est pour l'adoration prière. C'est pas pour dormir ici. Somnoler. Autant mieux rester à la maison. Laissez les adorateurs venir adorer. Offrir à Dieu le meilleur domaine. On va venir pour alourdir le climat. Et par ta présence, tu bloques tout. Que nos âmes soient libérées. Mais tout ce formalisme pour nous. Les habitudes indignes. Les jours d'adoration. Sois vérifié, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas gaspiller une réunion d'adoration. Parce que nous sommes habitués à faire toujours comme ça. Dieu mérite le meilleur de sa part. Quand ça s'appelle l'adoration, il faut adorer. Dieu mérite cela. Il ne mérite pas des résultats médiocres. Des prières médiocres. Il est un grand roi. Et nous sommes ses enfants. Les sujets de son royaume. Quand il nous invite, venons l'adorer. Vous devons fermer la porte à ces esprits. Qui veulent prendre en otage l'église. Par des habitudes indignes. Comment une soirée d'adoration. Boni boni mokolo akukumba mela. Qui somnole qui dort même. Quelle indiscipline devant le Dieu. Et le Saint-Esprit va-t-il agréer des choses comme ça. Et nous allons nous demander pourquoi Dieu ne répond pas à cette question. C'est notre faute. Nous devons changer. Honte à nous. Gloire à Dieu. Louange, ange, se crée à main. Chantons louange, ange, se crée à main. Oui, louange, ange, se crée à main. Alléluia. Louange, ange, se crée à main. Donneur, ange, se crée à main. Oui, l'honneur, ange, se crée à main. Puissance, ange, se crée à main. Oh oui, puissance, ange, se crée à main. Ou victoire, ange, se crée à main. Ou victoire, ange, se crée à main. Lumière, ange, se crée en main. Oh, vraie lumière, ange, se crée en main. Espérance, ange, se crée en main. l'espérance en Jésus Christ. Amen. Pour la joie en Jésus Christ. Amen. Pour la joie en Jésus Christ. Amen. Pour toute gloire en Jésus Christ. Amen. Amen. Pour toute gloire en Jésus Christ. Amen. Pour délivrance en Jésus Christ. Amen. Amen. Délivrance en Jésus Christ. Amen. Pour délivrance en Jésus Christ. Amen. Amen. Délivrance en délivré. Pour la paix en Jésus Christ. Amen. Amen. Pour la paix en Jésus Christ. Amen. La joie en Jésus Christ. Amen. Une joie parfaite en Jésus Christ. Amen. Guérison en Jésus Christ. Amen. Amen. Guérison en Jésus Christ. Amen. Les dons en Jésus Christ. Amen. Les dons parfaits en Jésus Christ. Amen. Pour réponse en Jésus Christ. Amen. Réponse de Dieu en Jésus Christ. Amen. La force en Jésus Christ. Amen. La force divine en Jésus Christ. Amen. Conduite en Jésus Christ. Amen. La vraie conduite en Jésus Christ. Amen. Vision en Jésus Christ. Amen. Vision céleste en Jésus Christ. Amen. Révélation en Amen. Une révélation divine en Jésus Christ. Amen. Liberté en Jésus Christ. Amen. Oh, liberté en Jésus Christ. Amen. Réponse en Jésus Christ. Amen. Je me priais en vain, mais Dieu répond à la prière. Oh, Amen. Délivrance en Jésus Christ. Amen. Délivrance en Jésus Christ. Amen. Prophétie en Jésus Christ. Amen. Je prophétise le témoignage de Jésus Christ. C'est l'esprit de prophétie. Oh, témoignage en Jésus Christ. Amen. Témoignage en Jésus Christ. Amen. Pour le règne en Jésus Christ. Amen. Inébranlable en Jésus Christ. Amen. Pour le royaume en Jésus Christ. Il est le roi. Le roi des rois. Le royaume en Jésus Christ. Amen. Le pardon en Jésus Christ. Amen. Pardon des péchés en Jésus Christ. Amen. Pour les bonheurs en Jésus Christ. Amen. Bon reste en Jésus-Christ. Amen. Oh, bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Bénédiction divine en Jésus-Christ. Amen. Oh, la joie en Jésus-Christ. Amen. La joie parfaite en Jésus-Christ. Pour l'onction en Jésus-Christ. Amen. Onction divine en Jésus-Christ. Amen. Oh, et présence en Jésus-Christ. Amen. Oh, présence en Jésus-Christ. Amen. Oh, élévation en Jésus-Christ. Amen. Oh, élévation en Jésus-Christ. Amen. Oh, le travail en Jésus-Christ. Amen. Amen. Travaille. Avant le chômage. Oh, bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Bénédiction des peines en Jésus-Christ. Amen. Oh, oui, le futur en Jésus-Christ. Amen. Le bon futur en Jésus-Christ. Amen. Oh oui, l'avenir en Jésus-Christ. Amen. On a béni en Jésus-Christ. Amen. Oh, et réussite en Jésus-Christ. Amen. Oh, bonne réussite en Jésus-Christ. Amen. Oh, les exploits. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, les exploits en Jésus-Christ. Amen. Oh, les miracles en Jésus-Christ. Amen. Enlève le miracle en Jésus-Christ. Amen. Oh, les prodiges en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Le surnaturel en Jésus-Christ. Amen. Le surnaturel en Jésus-Christ. Amen. Colombe de feu en Jésus-Christ. Amen. Oh, colombe de feu en Jésus-Christ. Amen. Du Seigneur en Jésus-Christ. Attaquez! Ah! Ange du Seigneur en Jésus-Christ. Amen. Oh, l'ange du Seigneur en Jésus-Christ. Attaquez! Oh, l'ange du Seigneur en Jésus-Christ. Amen. Pour salut! Amen. Il est sauveur. Salut. En Jésus-Christ. Amen. Oh oui, position. Amen. Oh, position. En Jésus-Christ. Amen. Oh, et toute gloire en Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus, en Jésus-Christ, amen. Oh, et toute gloire, en Jésus-Christ, amen. Oh, et toute gloire, en Jésus-Christ, amen. Oh oui, adoration, va nous donner. Amen. Amen, adoration. Amen. Oui, la joie. Oh, la joie. La joie. Amen. Amen. Oui, la joie. La joie. La joie. Non, je veux créer. Amen. Oui, mon bonheur. Hallelujah! Hallelujah! He's the sam yesterday, today, and forever. Le lo po po na libela na libela. You're perfect. You do. You expire. Tout l'éternité. C'est tout ce qui respire, loue l'éternité. Mon âme bénit l'éternel. Oh, la joie est pour tout ce bien-faire. Hey, louange. Perfection. Sainte-Esprit puissant. C'est auprès de toi qui existe. Atawale, yeso atawale, maisha yangu. Atawale, atawale, ya atawale. Maisha yangu atawale, atawale, yeso atawale. Maisha yangu atawale, mene atawale, yeso atawale. Maisha yangu atawale, yakobondwa, yeso yakobondwa, namote mananga, yakobondwa, yakobondwa, yeso yakobondwa, namote mananga, akobondwa. Yakopanda, yeso kapanda ye, motema nanga. Yakopanda, yakopanda, yeso kapanda ye, motema nanga. Yakopanda, yakolunga. Yeso yakolunga hu, nalimbomba oyo. Yakolunga, yakolunga, yeso yakolunga e, nalimbomba oyo. Yakolunga, atawali, yeso atawali. Maisha yangu atawa amene atawale, yeso atawale. Maisha yangu atawale, yeso atawale. Maisha yangu atawali, atawali, atawali, maisha yangu, atawali. Louange, gloire à Jésus-Christ. Il mérite le meilleur de ta part. Pas juste des cultes formalistes. Un système froid. Vous tenez ça dehors. Jetons ça dans le passé. Désormais, quand je viens adorer, je comprends ce que je viens faire. Je viens à l'église pour l'adorer. Pas pour faire semblant de prier. Pour prier vraiment. Il y a des démons de blocage. Des je vais m'armer contre ça. Je vais chasser tout. Que Christ m'a donné l'autorité. Il s'est fait signer l'autorité. Chasser les démons. Il s'est fait signer l'autorité. Il s'est donné l'autorité. Il s'est fait signer l'autorité. Chasser les démons. Il s'est fait signer l'autorité. Tous les démons, chaque démon. Vos démons la gnostent. Et ils t'obéiront. C'est bon, on va continuer ça. Tu as ce pouvoir. Vous allez dans le confinement. Sans toi protéger. Il n'y a pas de battre la nuit. Comme il est écrit dans la parole, toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il a confiance en Zambé et bon Dieu, c'est tout seul à mon thème. Il est un bouclier pour quiconque lui demande protection. Toutes les promesses de Dieu sont dignes. Lui Dieu, il est un bouclier pour quiconque lui demande protection. Chaque promesse digne de confiance. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. Amen. Notre mollesse, notre négligence dans la prière, notre formalisme, nous le jetons dans le passé. Et toi, notre force, et notre réveil, toi qui te révèles, pour nous amener dans un pas en avant. Le cours, frères et sœurs, le cours, ton église. Règne dans son peuple. Que l'ennemi s'enfuit. Que chaque démon soit bouté dehors. Que le trône des démons soit renversé. Que le feu du vin s'allume. Que le cœur est dans nos familles. Que le feu du vin consume le péché. Qu'il consume les iniquités. Rends le contrôle. La possession de toi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Oui. Dans sa Bible. Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 11. Que nous, Matthieu chapitre 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Deux Corinthiens chapitre 5. Nous lisons comme hier le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Matthieu chapitre 16. Verset 15 à 17. Et vous, leur dit-il, Que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Simon Petero a zongi fete, yo jali Kristo, mwana na nzambe na bomoi. Yesu a zongi fete, esengo na yo Simona, mwana na yona. Zambi mwasone pema kila, imoni yango na yote. Kasi, taka na ngai na likolo. Adieu, bénisse la lecture de sa parole. Réveillez-nous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour son amour et dans sa grâce, bienvenue à cette parole d'exhortation. Nous allons dire quelques mots. Ça va faire certainement du bien à l'âme qui aime Dieu, à l'âme qui a soif de Dieu. Ici va faire du bien. Une courte exhortation, pour ajouter un peu à ce qui s'est prêché les jours précédents. Connaître Jésus-Christ et William Branham par révélation. Il te faut connaître Jésus-Christ et William Branham, par révélation. Mais pourquoi vous devez mettre William Branham? Mais ça peut être aussi toi. Nous disions qu'il faut connaître tous. Nous ne devons connaître que personne selon la chair. Tous les humains par révélation. C'est le devoir des enfants de Dieu. Atteindre ce niveau-là. Oh oui. Si. Maintenant, William Branham est un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est le maître et seigneur de William Branham. Il faut toujours connaître ce jeu-là. Voilà. Ici, on a dit dans Jean 6, ici, verset 28-29, il lui dit là, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dieu est celui qui envoie, et le serviteur qui l'envoie est son serviteur. Maintenant, votre à vous, parvenir à faire les œuvres, afin que Dieu est agréable à Dieu, consiste pour vous, pas douter, pas rejeter, pas négliger, pas minimiser. Vous devez croire à celui que Dieu a envoyé. Et même si Jésus-Christ envoie quelqu'un, vous devez croire à celui que Jésus a envoyé. Et de la même manière, croire à Jésus-Christ qui l'a envoyé. La même logique était ici dans Jean 17. Le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est que les connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, notre Père. Et William Branham est l'envoyé de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut les dire comme ça. Maintenant, il faut connaître que chacun d'eux va révéler. C'est une parole d'exhortation. Nous amènera peut-être pas très loin, parce que c'est une soirée d'adoration. Que tes chaînes tombent. Les chaînes de froideur, de l'intimité, de l'intimité, l'esclavage et l'enfant. Le Seigneur Jésus a versé le sang. Il est ici. C'est pour que toi tu aies la bénédiction. Que les troubles qui accompagnent ta vie prennent fin. Que les démons qui te tourmentent pourrissent. Amen. Jésus-Christ est roi, il est Seigneur. Il est le Dieu de tous. Le Dieu suprême, le Dieu invincible. Sois libre, Il n'y a pas de déception en lui. En lui, il n'y a que la satisfaction. Attends, il y a un problème. Il y a ce qu'a signé. À Katilikambo, il n'y a plus assez de démons pour ramener les troubles dans sa vie. Pour apporter la satisfaction en lui. Heureux celui qui croit. C'est par ta foi que tu feras les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu entreront dans ta vie. Les œuvres de puissance. Les témoignages de sa gloire. Les témoignages de sa présence. Les témoignages de sa présence. Il brise toutes les chaînes. Moi je l'aime pour la vie. Ne me prends pas pour un fou. Mais je suis amoureux de lui. Qui toi tu as honte de lui, moi je ne suis pas fier de lui. Je ne suis pas fier de lui. Je ne suis pas fier de lui. Je ne suis pas fier de lui. Je ne suis pas fier de Je suis. Je suis. Nazali. Nazali. Amen. Je suis. Nazali. Je suis. Amen. Amen. Amen. Nazali. Mais Azawa, tout le monde a été Nazali. Il est le Nazali. Azali, oh, Azali, Wana. Même ici, il est le Nazali. Aka, awa, Azali, oh, Azali. Mais pour nous, on a dit Azali. Mais quand on a rien, tu vas voir. Amen. Tout le monde a. Azali. Amen. Amen. Ouais. Azali, Malambo, Azali. Kolo, Azali, Malambo. Bobe Kiso, Abamba Nilapat, O Azale, Nabito, Tekoye, Azalema, O Solo Ye, Solo Ye, Yeso Solo Ye, Malamu, Solo Ye, Malamu, Bobe Kiso, Bambe Abamba Nilapat, Bato Azale, Abiso, Seko, Ye, Azale. Oh, oh, yes, Bato Azale, Malambo, Ponanga, Kolo, Mosungi, Mokunzi, Dambe, Oli, Bela, Mobat, Simo, Bate, Lele, Bela, Azali kolo pezambe nanga to sanjola to kota yo aleluya sanjola na tango sanjola na pokwa to sato yo oh aleluya to sato n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas mais tu as payé notre mère. Invisible aux humains, mais présent à Zali. Dieu n'est-il pas Saint-il est merveilleux, Saint-il est, Saint-il est merveilleux, notre Père, invisible, humain, présent. Pour nous, il existe. Pour la vie, Seigneur, toujours merveilleux, merveilleux, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour toi à main, Dieu puissant, prince des oh à main, le dîner à lui à jamais, merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as la consolation chaque jour. Il n'y a pas de problème difficile. Rien de difficile, je veux dire. Il est le créateur. Le libérateur. Le grand roi. Le puissant conquérant. Sa lumière et sa gloire éternelle. Il est la paix de la vallée. Il est le lys de la vallée, la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. La joie du Seigneur, c'est votre force. Comme Frère Branham disait, faisons un bruit joyeux pour les ténèbres. Religion soli soli, la poubelle. Avant la fondation du monde, la religion enterrons toute église sans émotion. L'église qui n'a pas de joie, enterrons. Tout le monde. Il faut que la joie soit sous contrôle. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux lire dans l'adoption spirituelle. Le 23 septembre. L'adoption spirituelle. Paragraphe 96. 103. Ensemble, il y a une autre remarque. Si vous voulez bien m'excuser d'avoir de votre temps, mais j'aimerais montrer à cet auditoire ce matin qu'il y avait une autre signification aussi. Après avoir quitté la montagne, en descendant, une question a été posée. Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Comme je suis avec vous, et que je me suis manifesté à vous. Que dit-on de moi? La question posée à l'église. Parmi les enfants de Dieu, qui croyez? La question est posée. Alors, suivez attentivement ça. Quel beau tableau d'aujourd'hui. Après que vous avez reçu Christ. Après que vous avez été rempli de l'Esprit. Que dit-on de vous donc? Toi aussi. Quand tu as reçu Christ. et que tu as été rempli de l'Esprit. Que dit-on aussi de toi? C'est une question. Pour ces gens-là qui te voient, qui t'observent, si tu connais que c'est la chair, ils ne verront pas plus loin que le bout de leur nez. Mais si Dieu leur fait grâce, leur révéler qui suit, bien aimé, ils n'auront plus la même attitude dans son église. Dans Romains chapitre 8 ici, une écriture est connue. Elle dit ceci. Au verset 19. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir, quoi ça? La révélation de fils de Dieu. Quand le temps prévu par cela va s'accomplir, la création découvrira qui sont les fils. Par révélation, Dieu révélera ses enfants. Et la création saura qui sont les fils. Êtes-vous là? Mais avant que cette plénitude de temps n'arrive, Dieu peut faire une grâce ici, une grâce là. Pour qu'un juste soit reçu comme un juste. Qu'un prophète soit reçu en qualité de prophète. C'est une grâce que Dieu donne. Que vous arriviez à identifier la personne, votre semblable, mais dans sa dimension divine. Ce que Dieu a fait de lui et votre relation par rapport à lui, il doit être conséquent. C'est vrai. La création attend. Et bientôt, ce sera fait. Mais avant ça, il y a des grâces particulières. Les gouttes de grâce qui tombent à gauche et à droite. On va reconnaître que l'autre pourra savoir. Mais il y a un temps où l'ensemble de la création découvrira quels sont les fils. C'est vrai. Que disent les hommes? Lorsqu'ils voient vos émotions, on que nous venons de nous réjouir ici. Il y en a aussi qui sont ici, qui ne savent pas dire de ceci. Il y a comme fait que ce sont des fous, quoi. Tu peux pas dire, mais oh, mais je connais cette église, tu ne connais pas cette église. Elle n'est pas dans ta poche. Si tu l'avais liée dans ta poche, pour que les choses restent toujours formalisées, il te faut connaître par révélation. Parce que tu connais selon la chair est faillible. Mais tu te confondes cela tout le monde. Tu te montres que cette église n'est pas ce que tu penses. Les jours de la rédemption est proche. Laisse mes hommes défaillent de peur. Sois rempli de l'esprit à la mer. La rédemption. Les faux prophètes ont mis la vérité. Jésus-Christ est notre Dieu. Cette génération. La révélation, les pas des apôtres. Oh, si vous voulez les pas des apôtres, tout le monde est sur la révélation. Pierre L1-2. C'est vrai. L'église est la puissance qui se consacre. Elle n'est pas ce que vous pensez. Elle ne respire pas ce que vous voyez. Elle est à marche. Elle fera des exploits. Parce que la promesse a dit, au temps de la fin, Dieu d'entre le peuple, qui connaissent leur Dieu, feront des grands exploits. C'est infaillible. Quel que soit le nombre de mon cœur, hein, nous les connaissons, nous les maîtrisons, mais vous confondrez. Il a une église qui lui appartient. Il a transgressé les paliers de la sanctuaire. Il l'amènera au sommet. Il la présentera à l'ensemble de la création. Sans tache, ni riche, ni rien de semblable. Mais sainte et glorieuse. Dieu l'a prévu. Lui qui vous appelait est fidèle. Il le fera. Que les élus qui sont ici disent Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Amen. Mon Dieu le fera. Il est tellement fidèle. Toutes ces apparences, c'est rien. Voyez, quand vous regardez Daniel, Babylone, à Babylone, bon, il n'a pas rien de spécial. Un major de légumes. Pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est cassé dans leur vie. Ils avaient un Dieu plus grand que les dieux de Babylone. Ne sous-estimez pas les enfants de Dieu. Dieu amènera les épreuves pour dévoiler votre face cachée. Il interviendra par son pouvoir. Il vous délivrera les salons puissants. Il sera avec vous lui-même. Il montrera sa fidélité. Il est pour vous. Et rien ne peut vous lui. C'est les élus qui sont dans la salle d'Israël. Sachez que Dieu est Dieu. Que disent les hommes lorsqu'ils voient vos émotions? En vous voyant tellement excité. N'est-ce pas ce qui se passe ce soir? Quelqu'un va commencer à regarder, mais cette soeur-là, elle est naïpée. Voyez ma gaieté. La frère Wanapé. Voyez ma gaieté. Rien ne va rester éternel. Tout doit changer à cause de notre Dieu qui nous sort. Il met à nous la joie. Il nous console dans nos afflictions. Il nous guérit de nos maladies. Il nous délivre de toutes épreuves. Il nous rend vainqueurs dans chaque bataille. Il nous balance. Le péché est inclus. Amen. Il faut aussi que l'homme là-bas. La gloire de Dieu est rétablie. Il nous rend vainqueurs de la mort. Amen. Le péché est perdu. La gloire de Dieu est rétablie pour toi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que disent les hommes? Vous voyez vos émotions. En vous voyant tellement excité. Et que vous n'arrivez pas à vous contenir. Et que des larmes de joie coulent sur vos joues. Lorsque vous n'arrivez pas à baisser vos mains. Lorsqu'on chante des cantiques de la Sion. Lorsque vous n'arrivez pas à vous tenir tranquille. En voyant le péché. Vous et que vous vous sentez obligé de parler aux gens. Possiblement avec vous seul. Que dit-on de cela? Que dit-on? Lorsque vous êtes étendu, mourant, misérable, malheureux, étant moribond, et que vous demandez à est-ce que Dieu se joigne à vous à la prière pour votre guérison, et que vous confessez vos fautes, et que vous exposez la chose devant le Père. Ma Père, pardonne-moi. Maintenant, j'accepte Christ comme mon guérisseur. Je pourrais vous dire tout ce qu'on a dit. et que vous recouvrez la santé. Dieu qui pardonne le péché. Amen, amen. Et c'est un Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Amen, amen. Il a dit venez. Alléluia. Amen. Si vos péchés sont rouges, venez. Amen. Plaisons ensemble. Et attends, mais non, c'est Dieu qui nous plaît. Et c'est ma tête de colorant. Et c'est ma il a les deux colorants. Azalina, Sabouni, Wana, Penza. Amen. Il va le dire, il peut te rétablir, il peut te restaurer, il est Dieu de Saïd, Dieu de Jean-Baptiste, et Jésus-Christ, et ne se laisse pas révéler la parole. Amen. Je ne fais pas semblant de prêcher. Amen. Amen. Toi aussi ne fais pas semblant de croire. Amen. Alors, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de Dieu. Je regarde cette auditoire. Je sais que certains d'entre vous étaient étendus là. Il y a des familles qui mourront misérablement de cancer. Le dernier stade. Vous étiez dans toutes sortes d'états. Vous aviez des aspects différents. Vous étiez aveugle. Et par sa grâce, vous avez guéri. Et quand vous donnez votre vaillant témoignage, quel dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Qui dit-on à mon sujet? Il vous faut une révélation. Il faut la manifestation de Dieu. Plus près de toi, mon frère. Plus près de toi. Tu as besoin d'un Dieu vivant. Il soif de lui, va étancher la soif. Il a de quoi étancher ta soif. Quel que soit ton problème, ton besoin. Dieu détient la vraie solitude. Il a la formule. Et il y a la puissance de Sazanangouya. Le tableau a vraiment changé depuis ce jour-là. Quoi qu'il soit, aussi sombre qu'à l'époque. Certains disent que c'est du fanatisme. Certains traitent de Belzébou. Certaines personnes disent que c'est de la télépathie mentale. Et certains disent que c'est de l'excitation. Et certains disent que c'est du fanatisme. Et certains disent que c'est de l'émotion. Mais que dites-vous? Qu'est-ce que c'est? Que dites-vous à propos de cette chose? Vous Pierre. Pétilo. Hollanda. Pierre. L'impétueux. Dieu peut changer quelqu'un. Pierre l'impétueux. Pétilo. Qui tenait toujours des propos déplacés. Mais cette fois-ci. Il l'a pas fait. Y'a cela qui a monté. Il va dire quelque chose d'agréable. Que le Seigneur va approuver sur les champs. Alors que plusieurs fois le Seigneur le faisait que les redresser. Mais cette fois-ci, c'est la révélation du changement. Il vous faut la révélation, mon ami. Le formalisme tombera. Le sauvé du passé tombera. Le péché du désir avec tombera. Quand Christ se manifestera, il est ici pour ça. Ah, si c'est un jour que ce soit son jour, ne rate pas la visitation du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le péché difficile à vaincre. Le péché difficile à vaincre. Il va tomber. Et que Dieu délivre par la foi de Dieu. Amen. C'est toujours des propos de mais cette fois-ci, il l'a pas fait. Il a dit, tu es le Christ. Vous allez Christ. Le Fils de Dieu vivant. Écoutez, peu m'importe ce que les autres disent. Moi je sais que tu es le Christ. Vous allez Christ. Le Fils de Dieu vivant. Moi, écoutez. nous pourrions passer beaucoup de temps là-dessus. Nous continuons. Jésus a dit, heureux. Même si les hommes vous maudissent. Même si les hommes se moquent de vous. Les hommes peuvent vous traiter de saint exalté. Il a dit, tu es heureux. Voici mon amour à la Yona. Voici la chose maintenant. Et pour moi, voici la chose. Car oui, ce ne sont pas la chair et les sangs. Vous allez une fois mon son. Il faut révéler ceci. Tu n'as point appris ceci par un dogme de séminaire, ni par la déclaration d'une théologie des noms. Elles ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est la robe. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Comment Pierre, un fils de certains Jonas, un voyou perdu dans l'histoire, comment pouvait-il connaître le Fils? Que les gens disaient qu'il est ceci. Comment Pierre a-t-il pu savoir? Parce que personne ne connaît le Père. Et ce n'est le Fils. Or Pierre n'était pas le Fils. Mais Pierre était un disciple du Fils. Il était un serviteur du Fils. Un apôtre du Fils. Un envoyé du Fils de Dieu. Il n'était pas le Fils. Il était son serviteur. Un disciple. Comment pouvait-il connaître? Alors Jésus a répondu, ce ne sont pas la chair et le sang. Ils sont appris. Mais c'est le Père, lui. Pour que tu aies cette connaissance. Qui tombe à pic. La réponse très précise. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est mon Père. Qui est dans les cieux, lui qui me connaît, lui qui te l'a révélé, lui seul qui me connaît, c'est lui qui t'a révélé qui je suis. Quand vous avez la révélation, ça vous rend fort et victorieux, ça vous rend inébranlable, ça vous différencie bien aux gens. Vous avez une condition éternelle. Plus personne ne peut vous rappeler. Ni une théorie, ni une doctrine. Le Fils est aussi même chose. Quand tu as la révélation de qui ils sont, tu ne changeras plus ta position à l'égard. Il y a des gens qui viennent par fanatisme, et par flatterie, par émotion. Vous découvrez plus tard qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils ont fait du bruit vide. Il n'y avait pas de vie. Mais quand la chose vous est révélée, elle devient que pour vous. Ce qui vous a été révélé est un rocher bien pour vous. Que Branham dit que les élus de Dieu se reconnaissent. Et c'est amen. La révélation. Il faut que Dieu te révèle de qui s'agit. Tu ne changeras jamais de langage. Tu ne manqueras pas de gars. Il faut la révélation. Voilà. C'est le Père Céleste. Voyez-vous d'où cela vient? Par le petit Père. Le Saint-Esprit. C'est lui qui l'a révélé par la révélation. Qui est celui qui peut dire amen à ça? Es-tu de ceux qui comprennent précisément ce que je dis? Amen. Connaître qui est le Fils de Dieu? Par la révélation, ça doit venir du Christ. Le Saint-Esprit lui-même, lui n'est pas duplicite. Il n'est pas hypocrite. Il ne parle pas de langage. Il a dit, reste bien. La vérité sur sa bouche. Sa parole sera point révélée. Voilà ce qu'il y a. Et aussi de Frère Branham, dont nous parlons aussi ici, il faut le connaître par révélation. C'est important. Je vais lire ici, dans les premières expériences spirituelles. Les premières expériences spirituelles. Chez les 13 juillet 52. Paragraphe 11. Eh bien, les dons et les appels, retournons maintenant à ce qu'ils sont. Hein? Dieu les met à part. Dieu les place dans l'église selon sa volonté. Ce n'est pas selon votre volonté, mais selon sa volonté. Vous voulez qu'il soit ceci. Et il ne sera pas ce que vous voulez qu'il soit. Il sera ce que Dieu veut qu'il soit. Parce qu'il ne s'agit pas de la volonté de l'homme, mais il s'agit de la volonté de Dieu lui-même. Dieu donne souvent selon sa volonté. Est-ce vrai? Non pas selon ma volonté, mais selon sa volonté. Eh bien, si Dieu voulait que je sois un membre laïque dans l'église, je serai un meilleur membre laïque plutôt qu'un prédicateur. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Tu dois la connaître. Elle doit être révélée. Quand tu n'as pas la révélation, c'est là que tu verras du noir. Tu vas t'attonner et bricoler tout. L'église de Dieu n'est pas une église de bricoleurs. L'église de fils et de filles de Dieu. Je parle par la révélation. Par la foi. Par la révélation de la volonté. Alors, voyez, en effet, si Dieu veut que je sois un membre laïque, que tu sois là pour dire des gros amens. Dieu est glorifié par ça. Quelqu'un vient dire, mais toi, la manière dont tu dis amen, on dirait que tu es un prédicateur. Pour le prédicateur, on va faire ça. Il n'est pas pour faire ça. Si qu'elle a la place, n'a pas Amen. Ouais. Ne confondez pas les choses. Faites la volonté de Dieu votre Père. En effet, je ne ferai que jeter l'opprobre quelque part. Il y aura quelque chose qui jettera de l'opprobre. Quand quelqu'un va se mettre à la place que Dieu ne veut pas qu'il soit, il y aura toujours quelque chose qui va jeter l'opprobre. S'il m'appelait à être un diacre, ce serait mieux pour moi d'être un diacre que d'être un ministre. Un diacre n'est pas un ministre. C'est des choses différentes. Restez là où Dieu veut que vous soyez. Ne vous transformez pas vous-même. Vous devenez quelque chose d'autre par votre zèle. Mais s'il m'appelait à être ministre, je ferais mieux d'être un ministre que d'être un membre laïque. Il s'agit de là où Dieu nous a appelé. Il nous place dans l'église. Comment se servir? Alors c'est plus convenable pour nous. Maintenant, j'aimerais vous apporter où c'est là, servant de toile de fond. Je vais savoir si ça se rappelle pour lui. Comme toile de fond, il y a une vérité qui suit. C'est là, servant de toile de fond. Je vais vous raconter l'expérience de ma vie. Beaucoup de gens m'ont mal compris. Mon cher ami chrétien. Toi aussi, tu seras mal compris. Je suis mal compris aujourd'hui. Ça doit être une révélation venant de Dieu pour comprendre cela. Même frère Branham, oui. Vous allez entendre, il a dit ceci. Vous entendez votre question. Et lui se plaindra, je suis mal compris. Vous allez ici. Oh, il est ceci. Azali boye. Parce que je l'ai entendu dire ceci. Azali boye. Mal compris. Vous ne jugez pas les gens d'après ce qu'ils disent. Il vous faut une révélation de la part de Dieu. Pour vous dire qui est qui. Comprenez-vous la pertinence. Même pour William Branham. Même pour Jésus-Christ notre Seigneur. Personne ne connaît le titre. Il n'y a que Dieu le Père qui connaît. Supérieurement, moi j'ai entendu beaucoup de prédications. Je sais qui il est. Il est de la chair. Il est de la chair. Le jour où la révélation va venir, tu ne le connaîtras plus comme autrefois. Tu auras une autre attitude à son égard. Si nous avions connu Jésus-Christ, par des explications de nos amours. Maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Il y a un temps où Dieu vient faire grâce. Puisse ceci être ton jour. Puisse bientôt être ton temps. Où Dieu t'apporte la révélation. Tu vois mon enfant tel? Il est ceci et cela. Tu vois l'autre là? La position c'est ceci. Tu vois l'autre ici? Tu ne vas plus les traiter comme avant. Mais quand on ne se connaît pas, c'est facile même d'imaginer que je ne connais pas trop familier avec lui. C'est un sorcier. Il faut avoir un sandoki. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Moi je reçois des visions. Montre-nous une seule vision qui t'a manqué le sorcier. Le manque de communion. Il faut se soupçonner d'une personne. L'église doit avoir l'amour. Et si vous voulez que les dons spirituels soient ils doivent être cimentés par l'amour. Un amour sincère aussi. Il ne soupçonne pas le mal. Voulez-vous? Alors, nous apprenons à connaître Jésus-Christ notre Seigneur et William Branham son Fils qu'il a envoyé par révélation. Que Dieu te fasse grâce. Puis-je dire maintenant que Dieu te bénisse enfin? Est-ce que tu reconnais aussi que tu es béni? Ce soir était une bénédiction. Oui. Pour la gloire de Dieu, levons-nous pour la prière. Dieu mérite cela. Pour la prière. Je me réjouis nuit très jour comme je m'en chantais. Quoi qu'elle m'a sans connaître. Il n'a pas la main de Dieu et la raison. Le secret de tout cela, le consolateur est avec. Jésus, il demeure en main. Alléluia. Gloria, il est avec mon chanton Jésus, je me réjouis, mais très jour, ma chance est proche, le consolateur est à comme un roi, il demeure, à ma. Alléluia. Alléluia, il est avec moi, quand on le voit, je me réjouis toujours, ma chance est proche, le consolateur est avec. Je vivais dans le péché. Je vivais dans le péché, n'ayant point de prétendu, jusqu'au jour où j'ai commencé à mourir. J'ai tombé à ses pieds, et une douce paix m'est remplie, le consolateur est là. Oh mon roi, il demeure, en bas. Oh, alléluia, alléluia, il est avec. Chantons le roi, je m'aime, que je ne t'aime. Ma chance est proche, mais consolateur est à. Mon Dieu, il demeure, à ma. Oh, alléluia, alléluia, est avec moi. À ma, on te me réjouit tes jours. Ma chance est proche, le consolateur est avec moi. Il est avec moi partout. Avec moi partout. Et comme son ciel de ça. Je suis heureux et libre. Mais mon Dieu, le Saint-Esprit. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur est avec. Mon Dieu, il demeure, comme ah, alléluia, alléluia, est avec. Quand on le voit, je me rejoins tes jours. Ma chance est les trois chemins, les consolateurs et terres. Ah, mon Dieu, il demeure, comme oh, alléluia, alléluia, c'est avec. Quand on le voit, je me rejoins tes jours. Ma chance est trois chemins, les consolateurs est avec. Plus de désir pour le monde. Désir pour le monde, c'est plaisir en plus des hommes. Il y a longtemps, je le j'ai abandonné. Toute ma vie change en jeu. Et mes fardeaux enlèvent les consolateurs retardés. Mon Dieu, il demeure, il est là, il demeure. Revenez, ici, ici, yes, Azali, Azali, mon Dieu, Azali, oh, alléluia, de Dieu, viens de battre, dans la mort. Le grand Jésus est là. c'est Azalea. Oh, Azalea, Azalea. Mais je suis, et il est le même. Alléluia, Azalea. Non c'est la moque que sengo puto nomo o bondisi ajale o ajale ajale mandeme la tondie alleluia ajale nanga o kati non c'est la moque. Et sengo poto namo imo bonje se asale nanga. Le grand je suis. Toi sois de lui un grand croyant. Un fervent croyant de Jésus-Christ. Qu'il est là. Il est le Jésus pour mon âme. Azali, azali, pona, bon, moi, nangai, pour moi, la langue. Pas, je serai où j'étais. Je suis. À ce moment, je suis. Nazali. Je vous vois, Shama. Vous vois, Shama. L'éternel qui est ici. Yahweh, Azali, Awa. Crois ça à tout instant. Vraiment, on voit la tango de la Bible que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Shama, Azali, mon fils, mon fils, il est là. Azali, Wana. Prions chacun maintenant. Pour une requête de prière ici. C'est anonyme, il n'y a pas un nom. Mais Dieu sait tout. Nasengi, ma bonde li, yaba santo, pona pana nangai, oyo moyini, atye kati na bango, molimo, yabo tomboki. Ba santo, nkolo, basungangai, na prière, kolo akango la bango. Kombo etiamite mezambe aibi banso. Ali zambe ya milimo ya batu na musuni nyoso. Azali tata ya milimo. Yo bondela pona likamboyo. Bana oyo muhili ya cheka china bango mulimo ya botomboki. Zambe akango la bango. Ye oya mona kanyoso. Aibi ipai maloba oyo uti. Pepisika koko soezali. Kupo koneye eva mkusete kukangola. Ayo kaka ibondeli ya mitema sembo. Le cœur sincère, Dieu honore ça. Mitema sembo zambi ya mime akalama. Kupo ndela na kumresi. Bamo inanga yeso manga yambanga. Na pese bamo inanga yeso yambanga. Yambanga na pesi motemananga yeso yambanga yambanga na pesi motemananga yeso yambanga yambanga yanola losambonanga yeso yanola kulu yanola yanola losambonanga yeso yanola. Angola bomoi nangai, Angola nai, Angola, Kandala bomoi nangai, Angola. Longisa kundi manangai, yes, longisa nai, longisa, longisa kundi manangai. Kangola libota nanga yesa kangola kangola kangola libota nanga kangola kolokan kangola pebana nanga yesa kangola rito kangola babana nanga kangola. Yo kaka kolela nanga yesa, yo kaka dai, yo kaka kolela nanga yesa, yo kaka, gola lingomba na ya yesa, kangola, kangola yesa, gola lingomba na yo, kangola. Ya no la ma bonde le ya sa ya no la duta ya no la ma bonde le ya no la kolo tambesa ma tambe na na ya sa tambesa na kosi kanda ite ko yega yinga tambesa ma tambe na na Kolo batela, bondi minanga, yesa, batela, batela, yesa, batela, bondi minanga, yesa, batela. Kolo batela, libosa na yo, yesa, batela, bambe, ina lingomba nunu, yesu, Na peshe bomo inanga yesa yambanda Yambanda Dieu tout puissant et parfait. Toi le grand je suis. Jéhovah Shammah. Dieu toujours immuable. Fidèle et compatissant. Bonté. Riche en miséricorde. Que ton nom soit adoré. Béni et sanctifié. Pour le bien faire que tu nous as fait. Les grâces de ta présence. La joie de ton évangile. Le zèle de la parole. Laisse qu'il entre dans chaque cœur. Et nous rende joyeux pour toi. Joyeux fort. Pour affronter toutes les batailles. Toutes les épreuves. Toutes les maladies. Même les incompréhensions. Parce que toi seul peux révéler qui tu sois. À qui tu veux révéler cela. Donne-nous un cœur patient. Qui peut supporter toutes les épreuves. À cause de Christ. À cause du message. À cause de ton évangile. Offre-nous l'impatience. Rends-nous en Iran. Performant. Persévérant. Imperturbable. Spirituellement stable. Positionné. Révèle-toi à chacun. Et révèle à chacun qui est qui. Pour que nous marchions d'un pas différent. Et que nous allions vers les meilleurs exploits. Oh Dieu. Élève notre relation avec toi. Bon, à un niveau de révélation. Où les choses charnelles n'auront plus d'influence. Exauce chacun de nous. Toutes les prières adressées. Sous le sang de l'agneau. Jésus-Christ dans la salette. Nous prions et croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu soit loué. L'homme de la